démocratie. Il s'est transformé un jour à Barstobar pour prendre un mot. Il n'était pas beau à voir et pas très bon à sortir. Il pouvait pas se faire d'un œuf, même les putes n'en voulaient pas. Mais il n'était pas trop con.